Alors je me suis dit, bah, alors c'est bien, c'est évident. Alors maintenant, dans quelques minutes, elle me dira, mais oui, camarade, on s'était trompé, etc. Ou bien, au maximum, ça sera dans 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? Eh ben, les 2 ou 3 jours, ça a duré 24 ans à peu près. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont battu Ben parce que je ne pouvais pas dénoncer des gens dont j'étais sûr qu'ils étaient honnêtes. Ce qui est relativement drôle, enfin c'est drôle, mais enfin tout est relatif. Hein. Alors c'est que les techniques étaient les mêmes, mais ce qui était vraiment assez curieux, que quand on s'est retrouvé beaucoup plus tard dans les camps et qu'on a rencontré des gens qui étaient torturés, eux, dans d'autres établissements, que les techniques étaient toujours les mêmes, presque toujours. Ça veut dire qu'il y avait probablement déjà une technologie qui a été déjà préparée, que c'était pas l'arbitraire. Premier séjour, 15 ans. Ensuite, assignation à résidence en Sibérie, 5 ans. Nouvelle condamnation, 49 à 25 ans. Libéré seulement par la mort de Staline en 53, soit 24 ans. Le système, en effet, répugnait à libérer les étrangers car il craignait qu'ils apportent des informations à l'extérieur. Crainte justifiée en ce qui concerne Jacques Rossi. C'était en effet un homme mémoire. Sans pouvoir prendre de notes, il avait emmagasiné des milliers et des milliers d'informations et notamment d'expressions tirées de la langue des détenus. Et une fois doté de nouveau d'une table et d'un stylo, il en fera un manuel du goulag en 1500 articles qui finira par trouver un éditeur, le Cherche Midi, en 1997, une dizaine d'années après son retour en France. Avec Solzhenitsyn, Chalamov, le manuel de Rossi est une des premières lectures indispensables sur le goulag. Clamsé. Voici une brève liste d'expressions signifiant « mourir » dont certaines ne peuvent être traduites qu'approximativement. 1. Lâcher les amarres. 2. Passer l'arme à gauche. 3. Glisser sous la butte. Expression employée dans les camps de Sibérie orientale où les nombreux volcans sont appelés des buttes. 4. Trébucher dans la caisse. 5. Enfiler la capote de bois. 6. Donner dans le chêne. 7. Étendre les pattes ou les sabots. 8. Plonger dans le merdier. 11. Être libéré avant terme. Confère certificat de décès. Certificat de décès du détenu. Le décès d'un détenu fait l'objet d'un procès verbal. Recueil des lois de l'URSS de 1930, 22-248, article 41. Une circulaire ultérieure prescrit d'arracher les dents en or des détenus et de les envoyer à Moscou avec une copie du certificat de décès. Confère archive A. Clamsé. Ivot меня побрили, костюмчик унесли. Теперь на мне тюремная одежда. Квадратик небосинего и звездочка вдали. Облескают мне, как бледная надежда. Но скоро мне зачтется мой последний приговор, и скоро мы увидимся с тобою, и поведут меня тогда в браслетах на тюремный двор, и там глаза навеки я закрою. Septembre 1939, la guerre. Le pacte germano-soviétique permet à Staline de dévorer une partie de la Pologne. Il ajoute à son banquet les 3 pays baltes que Paris a toujours soutenus, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, y envoyant des diplomates, des enseignants. Le jeune Jean Catala est l'un d'eux. Après l'occupation de l'Estonie par l'armée rouge et la défaite de l'armée française, il se retrouve l'été 40 comme pris dans un étau. Alors pour les Français qui se trouvaient en Estonie, ou en Lettonie, ou en Lituanie, la situation est très particulière. On perd à la fois sa patrie et le pays de sa résidence. En principe, tous les postes diplomatiques sont supprimés, toutes les institutions culturelles étrangères sont supprimées, et en principe, on doit regagner la France. Mais il y a un point très important. On est en guerre. Et on vient d'être écrabouillé. Et je pense qu'il y avait proportionnellement beaucoup moins de pétinistes qu'en France parmi les fonctionnaires français en poste dans ces pays. Personnellement, avec deux amis, nous avons fait choix de rester. Nous avons fait ce choix tout à fait consciemment, parce que il nous apparaissait que seule l'armée rouge était capable de vaincre la Wehrmacht. Nous savions très bien qu'un certain nombre d'ennuis nous attendraient, car il n'y avait rien de si semblable du point de vue soviétique à des espions laissés sur place par leur pays que ces drôles de types qui, sans aucun avenir, sans aucun moyen d'existence, avaient décidé de rester là-bas. Et nous ne nous trompions pas en pensant qu'il nous arriverait des ennuis. J'ai eu la chance d'être arrêté juste avant l'arrivée des Allemands à Tallinn, et je m'en suis tiré avec un peu plus d'un an de captivité dans des camps divers. Le dernier étant situé à moins de 1000 km de la frontière chinoise. Ces camps s'appellent, en français, camps de concentration. C'est-à-dire des camps où tu es emprisonné, hein, et tu es emprisonné sans jugement. Le camp de concentration, c'est ça. Je dois beaucoup à cette expérience. Je dois d'abord d'avoir vu ce que c'était que cet univers concentrationnaire très bien organisé, qui est un état à l'intérieur de l'état, qui fait absolument partie du système et qui est même un de ses ressorts économiques avec les nombreux complexes économiques industriels qu'il possède. Alors que le goulag ait eu une fonction économique, c'est sûr, mais en 41-42, en revanche, quand les Polonais, les Baltes, déportés en même temps que Jean Catala, ont été déplacés à mesure qu'avançaient les Allemands, ont-ils vraiment servi à l'effort de guerre que Staline devait entreprendre en catastrophe? Jean Catala, il a connu un goulag sous tension extérieure forte. Le ralliement de Staline aux Alliés, après l'offensive de Hitler, va changer la donne. Les Polonais, par exemple, qui avaient été déportés parce qu'ils appartenaient à l'armée polonaise, furent invités à rejoindre, à pied, l'armée auxiliaire de l'armée rouge qui leur était destinée. Et à ce moment-là, Jean Catala, lui, fut invité à rejoindre Moscou, où la délégation de la France libre l'attendait. Il garda le souvenir des camps, il est un de ceux qui introduisirent et traduisir en France la littérature les concernant. Ce genre de captivité est une expérience incommunicable. Tu ne peux pas décrire la fin, F.A.I.M., on ne peut pas décrire la fin dans un camp. Parce que la fin, ceux qui n'ont pas été dans un camp, quel qu'il soit allemand ou qu'il soit russe, on ne sait pas ce que c'est. La faim qui transforme tous les besoins naturels du corps humain en irrépressibles pulsions. Ce qui m'a le plus marqué, c'était à Aktyubinsk, parce que c'était un camp qui n'existait pas. Alors c'était un camp qu'il avait fallu construire soi-même. Et alors c'est là où j'ai retrouvé, quand j'ai lu ensuite la journée d'Ivan Denisovitch, j'étais très frappé de l'histoire de ce camp appelé Cité du Socialisme. Et pour le construire, on devait d'abord construire les barbelés et les miradors avant de construire la cuisine. Ça, je l'ai vu. Où était-ce? Aktyubinsk est exact, pas loin du fleuve Oural, pas loin d'Orenburg. C'est-à-dire dans le Kazakhstan Est. Après, on allait à Karaganda. On allait à Karaganda, ce qui faisait tout de même, dans les 8 jours de chemin de fer, c'est-à-dire de wagons à bestiaux, et par une chaleur qui avoisinait normalement 30-35 à l'ombre. C'est-à-dire que dans des wagons en sapin, c'est très sensible. Et comment en es-tu sorti ? J'en suis sorti d'une façon très simple, parce que la délégation de la France libre en URSS a fait des démarches pour la libération des Français, et notamment des trois Français, sur lesquels il y avait un mort et un occupé, qui avaient refusé de rejoindre Vichy quand ils étaient dans les Pays-Bas. Le groupe de Français le plus nombreux à avoir connu le système concentrationnaire soviétique, ce sont les Alsaciens. Mosellans, on va entendre Liselotte Ham et Jean-Marie Hummel chanter les cloches du village, qu'on ne va pas revoir dans le cas des incorporés de force pendant plusieurs années. Maherzi in der ganze Stadt. Sogar trüss vorm Tor. Nur ist se alt, het man ist spott und sogar grüe Huch. Jetzt helfere, se schnitze spot und gennere sant morix Brot. Denn schon gar manche Nacht het sie ihr Sach gemacht. Mesure-t-on bien de ce côté des Vosges les déchirements qu'ont connus les habitants de l'Alsace-Moselle pendant la période de l'annexion, non pas de l'occupation, mais de l'intégration dans le Reich. Ces jeunes hommes sont enrôlés de force dans l'armée allemande et leurs parents menacés s'ils les laissent échapper à cette mobilisation. Et les Alsaciens mosellans ensuite sont envoyés sur le front russe plus souvent qu'à leur tour et beaucoup donc sont faits prisonniers. Je m'appelle Kuhn Raymond. Je suis né le 4-2 1925 à Bassus. Dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvé à Tambov ? Dans quelles circonstances ? Ben, c'est-à-dire que d'abord j'ai été fait prisonnier le 19 juillet 1944 à Sokal, près du Bouc. C'était déjà le moment de la retraite de l'armée allemande. J'ai été fait prisonnier, j'ai fait plusieurs camps de prisonniers et j'ai été emmené jusqu'à Rostov-Vorichilovgrad dans le Caucase comme prisonnier. Et à un moment donné, ils ont fait des recherches pour essayer de trouver des Alsaciens Laurent et luxembourgeois. Et là, on nous a envoyés à Tambov. Et une fois arrivés à Tambov, on était en quarantaine pendant un mois. Et de là, ensuite, on a mis dans des baraques. C'était des baraques qui étaient à peu près sous terre. Et c'était des baraques de 320 personnes et des plus petites à 160. Et là, on nous faisait faire des travaux. Des travaux, et ce qui est malheureux à dire, c'est qu'on nous a obligés à travailler 10, 12 heures par jour, par n'importe quel temps et par un grand froid, lorsque nous avions l'estomac vide. Et quand on travaillait en été dans les kolkhoz, on était heureux de trouver de l'herbe, des feuilles de choux, enfin tout ce qui était mangeable. Voilà. La mortalité a été terrible. Parmi terrible, c'est ça. Surtout l'hiver 44-45. C'est là qu'il y a le plus de morts parce que il n'y avait pas de médicaments. Personne ne pouvait nous soigner. Il y avait un lazaret, c'est-à-dire que celui, surtout qui avait une dysenterie, il allait au lazaret, exempt de corvée, et ça s'arrêtait là. Il n'y a pas de médicaments. Et ce que nous, on faisait quand on sentait qu'on avait un début de dysenterie, on mangeait du charbon de bois pour calmer la dysenterie, vous voyez. Et quand moi, j'allais à la corvée de bois, je ramenais de l'écorce de bouleau et que je faisais chauffer, et ça nous permettait de soulager un peu l'estomac, vous voyez, dans quelles conditions on vivait. Est-ce que votre statut de Français vous valait un traitement particulier là-bas ? Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire, on nous a réunis à Tambov parce que c'était un camp de rassemblement. Et nous, on espérait qu'au bout d'un certain temps, on allait nous envoyer, par exemple, en Algérie. Parce que comme là, j'étais fait prisonnier, il y a une femme russe qui m'a demandé dans quelle unité j'étais et quelle était ma nationalité. J'ai répondu que j'étais Franzus. Là-dessus, elle m'a dit en français, « Ah, mais vous êtes français, mais dans 15 jours, monsieur, vous serez à Alger avec la légende de Gaulle. » Alors moi, j'étais heureux, tout souriant, mais les 15 jours, malheureusement, ça a duré 15 mois. Raymond Kuhn fait allusion à un moment de grâce. Bref, l'été 44, au plus beau des relations entre Staline et de Gaulle, en effet, 1500 Les Alsaciens mosellans prisonniers ont été autorisés à retrouver les troupes de la France libre en Algérie. On leur a même donné au camp avant de partir une manière de banquet avec de la soupe copieuse. Et une inscription était portée sur l'entrée de Tambov. Bienvenue aux Français, amis de la Grande Russie. Mais on voit que ce moment de grâce n'a pas duré. Les prisonniers alsaciens mosellans ont de nouveau été considérés à l'instar des prisonniers allemand. Cependant, à la différence des détenus Zec, ils ne dépendaient pas seulement pour leur libération du bon vouloir du système soviétique, ils pouvaient espérer d'une issue des négociations internationales. Les puissances occidentales livrent plus facilement à Staline ses adversaires de nationalité soviétique qui peuvent se trouver sur leur territoire que Staline ne délivre les sujets occidentaux qui sont ses prisonniers. Néanmoins, les Alsaciens mosellans pourront finalement rentrer à partir de l'automne 1945. Les arrivées en France seront encore nombreuses jusqu'en 1947. Ma blonde, entends-tu dans la ville, les fabriques et les trains. Allons au-devant de la vie, allons au-devant du matin. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les Français au goulag. Et maintenant, un moment tout à fait étonnant rétrospectivement, celui des retournants. On entendait une chanson Lige du Parti communiste français. Celui-ci a une certaine responsabilité dans ce moment de l'histoire. En 1946, Staline a offert l'amnistie aux Russes blancs et aux autres émigrés devenus apatrides qui étaient installés par exemple en France. Retrouvez votre pays, revenez, participez à la reconstruction. Les retournants, ceux qui acceptaient, auraient dû se douter que la participation à la reconstruction se ferait assez vite dans le goulag. D'origine russe, ils sont plusieurs milliers à se rassembler pour le grand retour, avec leurs épouses françaises et leurs enfants nés en France. L'organisation est assurée par des émissaires de Staline, aidés par le Parti communiste. Vladimir Orlov avait 13 ans. Il est né à Suresnes, sa mère était provençale. Son père, d'origine russe, a combattu les Allemands durant toute la guerre dans l'armée française en 1940, puis dans la résistance. Mais les Orlov avaient fait un serment familial, retourner en Russie. Le jour donné, quoi, il y a eu tout un train qui s'est approché à Saarbrücken. Tout le monde est monté en wagon, du bon wagon. Et nous sommes partis vers la zone d'occupation soviétique. Mais avant ça, quand nous passions l'Allemagne, la zone d'occupation américaine, anglaise, française, et le long de la voie ferrée, en beaucoup de villes, en beaucoup de, où nous nous arrêtions pour ravitailler le convoi, quoi, on a entendu beaucoup de choses. Les gens nous disaient, ils nous criaient, vous allez à votre mort. Deux jours après, nous arrivons à la frontière, déjà soviétique, vers Grodno, la ville de Grodno. On arrête le train. Il y avait un champ et un petit bois de bouleaux au fond. Tout à coup, de ce petit bois est sorti tout un régiment de soldats, des soldats de la NKVD, de la police. Chaque wagon était entouré par des soldats avec les armes au poing, les mitraillettes et tout ça, les chiens et les officiers qui commandaient. Alors tout le monde sortait, sautait des wagons, tous, grands, petits, enfants et tout ça. Et eux, ils sont rentrés dans les wagons. Les officiers sont rentrés avec les soldats pour fouiller. Ils jetaient tout par terre, ils jetaient tout en l'air. Et quand les wagons ont été vides, presque vides, on nous a recommandé on a donné la commande de re-rentrer dans les wagons. Et je me souviens un fait ici que jamais je n'oublierai, et je me souviens très souvent de ce fait. À côté, dans le wagon d'à côté d'une autre, il y avait un très vieux compositeur qui avait deux caisses de partition, des corbeilles. Et je me souviens comment ces partitions étaient jetées par terre, comme ça volait dans l'air, comme ça, personne ne faisait attention déjà. Et lui, il s'était mis à genoux sur terre, quoi. Il pleurait, bien sûr. Mais là, on pouvait rien faire déjà, parce que tout le monde a commencé à avoir peur. Quand on a été remis dans ces wagons à moitié vides, le train s'est remis en marche. On rentre à Grodno, mais on rentre directement dans un ancien camp qui était un camp de concentration, quoi. On nous a tous mis là-bas dedans. Ainsi, le grand retour des Français d'origine russe se termina souvent au goulag. Vladimir vit son père en mourir. Il est difficile d'estimer le nombre des Russes de France qui ont accepté d'être retournants, d'autant qu'il faut distinguer ceux qui, détenus, sont morts dans les camps, des familles, des femmes, des enfants qui suivaient les premiers. Ainsi, Nikita Krivosheïn, gamin, il a rejoint ses parents en Russie et il s'interroge encore, mais si par malheur le Troisième Reich l'avait emporté après la guerre, les exilés allemands seraient-ils revenus se jeter carrément dans la gueule du loup? Quelle force les poussait à se laisser prendre au piège? Krivosheïn est contraint de vivre sa jeunesse en Union soviétique. Il observe la mort de Staline. C'est le moment où les camps commencent à se vider de leurs détenus politiques. Avec la déstalinisation de Khrouchtchev, le rythme des libérations s'accélère. En 1957, il n'y a plus que 15 000 prisonniers politiques. Et c'est le moment que choisit ce jeune homme courageux, un peu bravache, et bien pour se jeter à son tour dans la gueule du loup, mais au nom de l'honneur. Nikita Krivosheïn, vous aviez quel âge quand vous avez été arrêté? 23 ans. C'était le 25 août 1957 et je suis ressorti en 61. Vous faisiez quoi à 23 ans et qu'est-ce qui vous valait cette arrestation? Je venais d'obtenir mon diplôme de l'Institut des langues étrangères de Moscou. Je faisais depuis quelques années de la traduction et de l'interprétation, ce que je continue à faire jusqu'à présent. Et le délit qui a été retenu contre moi par le tribunal militaire de la région de Moscou était la propagande et la calomnie anti-soviétique. La preuve en étant un article que j'avais envoyé au Monde. Ce texte que j'avais fait, qui était le texte d'un très jeune homme sans doute, avait été publié dans le Monde sans signature, évidemment. J'y faisais état des premières arrestations qui avaient précédé la mienne de gens de mon âge. Et en envoyant cet article, je signais mon propre mandat d'amener, c'était évident. C'était assez curieux comme époque. Toute l'époque pendant laquelle je me suis retrouvé dans ce système, c'était le début de la déstalinisation, ça suivait de près le 20e congrès, mais c'était l'après-Budapest et l'avant Brejnev. Donc un mélange très éphémère, c'était très fugace cette époque. Et il y avait, on le sentait très bien, un mélange des anciennes méthodes, les interrogatoires pendant la première semaine, pendant 7 ou 8 jours de suite, c'était à raison de 16-17 heures quotidiennes. Mais vers minuit, on se retrouvait à nouveau dans sa cellule et on pouvait dormir. Alors que sous Staline, l'interrogatoire commençait vers les 10 heures du soir, se terminait vers les 4 heures du matin, et on ne pouvait pas se coucher pendant la journée. C'était la torture par l'insomnie. Après sa libération, le régime a prié fermement Krivosheïn, l'un des derniers détenus politiques du Goulag, de rejoindre la France, ce qu'il a fait. Lui avait la chance d'être identifié par nos services. Combien de messages reçus notre ambassade à Moscou pendant des décennies de la part de Français dont on avait perdu la trace et dont le système soviétique niait généralement l'existence? Parfois, les autorités finissaient par envoyer tout de même un certificat de décès. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco. Nos sources, France 5, Nicolas Jallot. France Culture, Annie Eppelbaum, Antoine Spire. France Inter, Pascal Dervieux. La réalisation, c'était Audrey Ripouille. À la technique, Kevin Penaud.